Chapitre 7. Enfin, pour la plus grande satisfaction de nos estomacs, midi était arrivé. On s'arrêta au pied d'un talus, à l'ombre d'un vieil orme. Les fusils, les carniers, bien vides, hélas, furent mis de côté. Puis l'on déjeuna pour reprendre quelque peu de ses forces si inutilement dépensées depuis le départ. Triste repas, en somme. Autant de récriminations que de bouchées. Horrible pays. Une chasse bien gardée. Les braconniers l'a dévastée. On devrait en peindre un à chaque arbre, avec un écriteau sur la poitrine. La chasse devenait impossible. Dans 2 ans, il n'y aurait plus de gibier. Pourquoi ne pas l'interdire pendant un certain temps? Oui, non, enfin toute la litanie des chasseurs qui n'ont rien tué depuis l'aube. Puis la dispute recommença entre Pontcloué et Matifa, à propos du perdreau mitoyen en contestation. Les autres s'en mêlèrent. Je crus qu'on allait en venir aux mains. Enfin, 1 heure après, tous se remirent en marche, bien lestés et bien humectés, comme l'on dit ici. Peut-être, avant dîner, serait-on plus heureux. Quel est le véritable chasseur qui ne conserve pas un peu d'espoir jusqu'à l'heure où il entend rappeler les perdreaux, cherchant à se réunir pour passer la nuit en famille? Nous voilà repartis. Les chiens, presque aussi grognons que nous, avaient pris le devant. Leur maître hurlait après eux, avec ces intonations terribles qui ressemblent au commandement de la marine anglaise. Je suivais d'un pas indécis. Je commençais à être éreinté. Mon carnier, si vite qu'il fût, me pesait sur les reins. Mon fusil, d'un poids invraisemblable, me faisait regretter ma canne. La poire à poudre, le sac à plomb, j'eusse volontiers confié tous ces objets embarrassants à l'un des petits paysans qui me suivait d'un air moqueur, en me demandant combien j'en avais tué de ces 4 pattes. Mais je n'osais pas, par amour propre. 2 heures, 2 mortelles heures s'écoulèrent encore. Nous avons bien 15 kilomètres dans les jambes. Ce qui me paraissait évident, c'est que de toute cette excursion, je rapporterai plutôt une couverture qu'une 30 de cailles. Tout à coup, quel froufrou se fait entendre et me déconcerte. Cette fois, c'est bien une compagnie de perdreaux qui s'élève au-dessus d'un buisson. Fusillade générale, feu à volonté. 15 coups de fusil partent, pour le moins, le mien compris. Un cri se fait entendre à travers la fumée. Je regarde. À ce moment, une figure apparaît au-dessus du buisson. C'était un paysan, la joue droite, grosse comme s'il avait eu une noix dans la bouche. « Bon, un accident !» s'écria Bretigneau. « Il ne manquait plus que cela !» riposta Duvauchel. Ce fut tout ce que leur inspira ce délit de coups et blessures, sans intention de donner la mort, comme dit le code. Et ces gens, dépourvus d'entrailles, courant vers leur chien qui rapportait 2 perdreaux, blessés seulement, achevèrent à coups de talons de bottes ces infortunés volatiles. Je leur en souhaite autant, s'ils ont jamais besoin d'être achevés. Et pendant ce temps, l'indigène était toujours là avec sa grosse joue, ne pouvant parler. Mais voici que Bretigneau et ses compagnons reviennent sur leurs pas. « Eh bien, ce brave homme, qu'a-t-il donc ?» demanda Maximon d'un ton protecteur. « Parbleu, il a un grain de plomb dans la joue, » répondis-je. « Bah, ce n'est rien, » répartit Duvauchel. « Ce n'est rien. »« Si, si, » fit le paysan qui crut devoir souligner l'importance de sa blessure par une grimace horrible. « Mais qui donc a été assez maladroit pour endommager ce pauvre diable ?» demanda Bretigneau, dont le regard interrogateur finit par s'arrêter sur moi. « Est-ce que vous n'avez pas tiré ?» me dit Maximon. Bah, « Oui, j'ai tiré, comme tout le monde. »« Eh bien, la question est jugée, » s'écria Duvauchel. « Vous êtes aussi maladroit, chasseur, que Napoléon Ier, » reprit Pontcloué, qui détestait l'Empire. « Moi ?» « Moi, m'écriai-je ? Ce ne peut être que vous, » me dit sévèrement Bretigneau. « Décidément, ce monsieur est un homme dangereux, » reprit Matifa. « Et quand on est aussi novice, » ajouta Pontcloué, « on refuse des invitations, d'où qu'elles viennent. Et là-dessus, tous trois s'en allèrent. Je compris. On me laissait le blessé pour compte. Je m'exécutai, je tirai ma bourse et j'offris 10 francs à ce brave paysan, dont la joue droite se déconfla instantanément. Sans doute, il avait avalé sa noix. Ça va mieux, lui dis-je. Oh, là, je m'y reprends, répondit-il en regonflant sa joue gauche. Ah, non, dis-je, non, assez d'une joue pour cette fois, et je m'en allais.